Neuvième cahier. En demi-solde. Les 100 jours de Waterloo. Rentrée à Auxerre. 10 ans de surveillance. Mon mariage. 1830. Je suis nommé porte-drapeau de la garde nationale et officier de la Légion d'honneur. Le gouvernement nous renvoya planter des choux dans nos départements avec demi-solde. 73 francs par mois. Il fallut se résigner. Je vendis 2 de mes chevaux et gardai mon cheval blanc. Je plaçai mon domestique à la maison d'Autriche pour emmener des chevaux de main. Je partis pour Auxerre, chef-lieu de mon département, et je végétai dans cette ville toute l'année 1814. Je ne connaissais personne. Je finis par être invité chez M. Marais, avoué rue Neuve, un vrai patriote. Il m'offrit mon couvert chez lui. Il poursuivait un procès au nom de mon frère contre ma famille, qui nous avait dépouillés d'un peu de bien du côté de notre mère. C'était le beau-père de M. Marais qui avait entamé le maudit procès, qui dura 17 ans. Je ne l'appris qu'à mon arrivée de l'armée. Lorsque mon procès fut appelé, je me présentai au tribunal en grande tenue et me posai là dans le plus profond silence. J'entendis mes adversaires déclamer et blasphémer contre moi. C'était terrible de me voir vilipendé par l'avoué Chapotin. Je ne soufflais mot. Chapotin s'adressait ainsi au tribunal. « Le voilà, en me montrant ce lion rugissant qui fait trembler ces malheureux par sa présence. Je l'ai vu à Auxerre, il y a 2 ans, faire la belle jambe le soir. » Heureusement, je me vengeais sur ma tabatière. Je fourrais des prises de tabac dans mon gros nez, les unes sur les autres. Mais il était temps que Chapotin finisse. Enfin, je repris mon sang-froid. Je demandai la parole au président. Je pris le tribunal de remettre ma cause à huitaine pour me justifier des calomnies de M. Chapotin par mes lettres de service. Tout me furent accordé. Je rentrai chez moi, je pris de suite mes lettres de service avec brevet et certificat à l'appui. À la huitaine, mon procès fut appelé. Je portai tous mes papiers sur le bureau du président et me retirai sans dire mot. Voyant tous ces papiers, il les examine. Après les avoir compulsés, il en fit part à ses juges. Et il interpella Chapotin. « Monsieur Chapotin, répondez, étiez-vous à telle époque dans telle et telle ville ?»« Non, monsieur le président. » »« Eh bien, le capitaine Coignat y était. En voilà la preuve par ses lettres de service. Il était loin d'Auxerre à cette époque. Il défendait sa patrie, et vous l'avez injurié. Vous lui devez des excuses. Il vous a écouté avec un sang calme qui est d'un homme réfléchi. » Monsieur Chapotin vint me serrer les mains, me prit le bras en sortant du tribunal. Il voulait m'emmener chez lui dîner. Je le remerciai. Mon procès était interminable. Il fallait que les pauvres plaideurs fussent ruinés avant de terminer. Cependant, 17 ans devaient être suffisants. Jamais ce procès ne finira, me dit-on. Je pars sur le champ pour Paris et vais trouver le prince Cambacérès pour lui conter que durant que j'étais sous les drapeaux, l'on m'avait dépouillé d'un peu de bien provenant de ma mère et que ce procès durait depuis 17 ans. « Je ne suis plus ministre de la justice, dit-il. » Mais je vais vous donner une lettre pour celui qui me remplace. Vous la porterez. » Il dicta cette lettre et me la remit. « Allez, mon brave, votre procès sera terminé. » Arrivé chez le ministre de la Justice, je lui présente ma lettre. Après lecture, il dit à son secrétaire, « Écrivez à M. Raymond, président, et à M. Latour, procureur du roi. « Allez, me dit-il, portez-leur ces lettres de « et justice » vous sera rendue. À quel corps apporteniez-vous « À l'état-major de l'empereur. » « Avez-vous été en Russie ?»« Oui, monsieur le ministre. C'est bien parté pour votre département. » J'arrive à Auxerre, je vais trouver le procureur du roi. Je lui remets ma lettre. Je trouve un petit homme enveloppé dans une robe de chambre, faisant des grimaces comme un chat pris au piège. Ce vieillard souffrait tellement de la goutte qu'il ne pouvait bouger. Il lit ma lettre cependant, mais arrive son médecin, qui lui trouve le pied enflé. « Il faut vous mettre des sangsues. »« Combien ?» « Vous ne le savez pas, répond le docteur, autant qu'il y a d'avoués à Auxerre. » On disait qu'il faisait trembler tous les avoués. Je me rendis chez le président. Ce bon vieillard me reçut affablement. « Voilà une lettre du ministre de la Justice pour vous. »« Voyons, me dit-il. » »« Après lecture, vous connaissez donc le ministre ?»« Je connais le prince de Cambacérès. »« Votre affaire sera terminée sous peu. »« Il est temps, 17 ans, c'est long. »« C'est vrai, dit-il. » Je pris mon mal en patience. Et j'attendis mon sort de la justice des hommes. Je me casai dans un modique logement que je ne payais pas. Je louai un lit de sangle, un matelas, dans cette maison inhabitée par bonheur, il y avait une petite écurie pour mon cheval. Le dimanche arrivé, il fallait aller à la messe pour ne pas être rejeté de la modique demi-solde. J'allais trouver le général et de là chez M. de Goyon. Le premier du mois, il fallait se présenter chez le payeur pour recevoir mes 73 francs. On nous retint 2,5% d'avance sur notre croix, et tout doucement, ils frappèrent le grand coup. Ils nous retinrent 125 francs par an sur notre légion d'honneur, et toujours 2,5, de manière que la demi-solde se trouvait réduite au tiers. Cette vie dura 7 ans. Le général qui commandait le département fit appeler tous les officiers en demi-solde pour leur demander s'il se trouvait des officiers de bonne volonté pour conduire des déserteurs à Saint-Relouis. Personne ne s'offrit. Je pris la parole. « C'est moi qui me charge de les conduire. Donnez-moi 2 officiers, je ferai le voyage, mais à condition que j'irai à cheval et que les rations pour mon cheval me seront accordées. « Ça suffit, dit le général. » Je partis pour Saint-Relouis, mais au retour, on ne me tint pas compte de mes rations. Je réclamai, et j'en fus pour mes frais. Je me rendis alors chez M. Marais pour le prier de faire finir mon procès. « Je vous le promets, dit-il, je vais frapper le dernier coup. Il va être plaidé à fond sous peu. Prenez patience, ils demandent du temps, ils ne sont pas prêts. Pauvre plaideur, il faut manger son frein. Plus les procès sont longs, plus les bénéfices arrivent dans le cabinet de l'avoué. » Je pris patience. Je me rendais au café Milon. Je trouvais des groupes de vieux, habitués, qui parlaient politique. Ils m'abordèrent pour me demander si je savais des nouvelles. « Point du tout, dis-je. Vous ne voulez pas parler, vous avez peur de vous compromettre. Je vous jure que je ne sais rien. »« Eh bien, dit un gros papa, on dit qu'il est passé un capucin déguisé et un autre grand personnage, que le préfet voudrait faire arrêter. « Je ne vous comprends pas. Vous faites ignorant. C'est pour cela qu'il a gardé son cheval, dit l'un d'eux. Il attend la capote grise. Je tombe des nues en vous entendant parler. Vous pouvez vous compromettre. » Je me retirai confus de joie. Je puis le dire. Et je croyais déjà voir mon empereur arriver. J'allais presser M. Marais, lui faire part des bruits qui circulaient. « Vous seriez content, dit-il. » Je souris. « Je vous vois d'ici monter à cheval. S'il venait, vous partiriez. De bon cœur, c'est vrai. » « Je vais faire en sorte de faire finir votre affaire. Restez à dîner. J'ai besoin de quelques notes. » Le mardi suivant, mon procès fut appelé et plaidé à fond. Le délibéré fut remis à 15 jours. Je fus encore dîner chez mon avoué qui me dit « Votre affaire est gagnée. Ils vont être rossés d'importance. » Mais j'étais loin de compte. Je n'en vis la fin qu'en 1816. Une tempête se préparait. Joie pour les uns, tristesse pour les autres. On débitait dans les rues d'Auxerre que l'empereur était débarqué à Cannes, qu'il marchait sur Grenoble, et de là sur Lyon. Tout le monde était dans la consternation. Mais la certitude éclata lorsqu'il nous arriva de bon matin un beau régiment de ligne, le 14e, avec le maréchal Ney à sa tête. On disait qu'il allait pour arrêter l'empereur. « Ça n'est pas possible, me dis-je. L'homme que j'ai vu à Covenot prendre un fusil et avec 5 hommes arrêter les ennemis, ce maréchal que l'empereur nommait son lion, ne peut mettre la main sur son souverain. » Cela me faisait frémir. J'étais aux écoutes. Je n'arrêtais pas. Enfin, le maréchal se rend chez le préfet. Il fut fait une proclamation publiée dans toute la ville. Le commissaire de police bien escorté publiait que Bonaparte était revenu et que l'ordre du gouvernement était de l'arrêter. Et « Ah bah Bonaparte, vive le roi ! Dieu, comme je souffrais !» Mais ce beau 14e de ligne mit les shakos au bout des baïonnettes, au cri de « Vive l'empereur !» Qu'aurait fait ce maréchal sans soldats? Il fut contraint de fléchir. Le soir, cette avant-garde arriva à l'hôtel de ville, mais pas comme elle était partie, cocarde blanche le matin et cocarde tricolore le soir. Ils s'emparèrent de l'hôtel de ville, et au flambeau, il fallut que le même commissaire se promenât pour faire une autre proclamation et crier à tue-tête « Vive l'empereur !» Je puis dire que je me dilatais la rate. Le lendemain, tout le peuple se porta sur la route de Saint-Brice pour voir arriver l'empereur dans sa voiture, bien escorté. La boule de neige avait grossi. 700 vieux officiers formaient un bataillon et les troupes arrivaient de toutes parts. Arrivé sur la place Saint-Étienne, le 14e de ligne se forme en carré et l'empereur le passe en revue. Ensuite, il fit former le cercle aux officiers et, m'apercevant, me fit venir près de lui. « Te voilà, grognard. »« Oui, sire. » « Quel grade avais-tu à mon état-major ? » ?»« Vague-maître du grand quartier général. »« Eh bien, je te nomme fourrier de mon palais, et vague-maître général du grand quartier général. Es-tu monté ? Oui, sire. Eh bien, suis-moi, va trouver Montyon à Paris. » Ce beau cercle d'officiers formés autour de l'empereur firent une couronne avec leurs épées au-dessus de sa tête. L'empereur leur dit « Officiers et soldats, nous marchons sur Paris. Nous n'avons rien à craindre, car il n'y a qu'un soldat chez les Bourbons. C'est la duchesse d'Angoulême. » Il donna ses ordres et rentra à la préfecture où je le suivis. Et dans la première pièce, je trouvai le général Bertrand. « Vous voilà, vous êtes content, vous nous restez. »« Oui, mon général. » « Vous viendrez me voir aux Tuileries, je vous transmettrai les ordres de l'empereur. Votre gendarmerie s'est donc sauvée ?»« Je ne sais pas, mon général. » L'empereur est furieux, il croyait la trouver sur sa route, et pas du tout. Je crois qu'il enverra le capitaine planter des choux. Et le curé, voilà deux fois que l'empereur le fait demander. Je viens de l'envoyer chercher par les agents de police. La soutane va être secouée, il en est bien sûr. Un instant après, je vois arriver l'abbé Viard, bien penaud, en passant au milieu de tout ce nombreux état-major. Le maréchal l'introduit près de l'empereur pour recevoir son galop. Le corps d'officier arrive pour être présenté avec son colonel. Au sortir, celui-ci vient près de moi. « Bonjour, brave capitaine, vous ne me connaissez pas ?»« C'est vrai, colonel. »« Eh bien, c'est vous qui m'avez fait faire l'exercice à Courbevoie. Je suis un des 50 que vous aviez instruits. »« Vous avez grandi. Votre carrière est belle, colonel. »« Je vous remercie. » « Nous nous reverrons à Paris. »« Qu'il commande bien, dit-il à ses officiers. « Je vous ai souvent parlé du vieux Coignet. Le voilà, messieurs. » Et il me serra la main. Je pris congé et me retirai content. Le lendemain, je partis pour Joigny, et le jour suivant, je m'embarquai avec 10 officiers dans une barque pour Sens. La rivière était couverte de bateaux pleins de troupes, et nous en trouvâmes de submergés au passage des ponts, car on marchait de nuit. Les bords étaient couverts de neige. Nous quittâmes notre barque et nous prîmes des patâches pour arriver à Paris. Je descendis chez mon frère faire ma toilette et fus faire visite à mon général Montyon. Je lui fis part que l'empereur m'avait nommé à Auxerre vague-maître général du grand quartier général. « Que je suis content, mon brave, de vous avoir près de moi. J'irai prendre votre brevet, cela me regarde. Je vais aux Tuileries et me fais annoncer. Je désire parler au général Bertrand. Je vais l'appeler, me dit le général Drouot. Le général arrive. « Déjà, mon brave, vous avez donc pris la poste ?»« Je suis venu le plus promptement possible. Je vous demande permission de 6 jours, mon général. »« Accordé, partez. » Je pars de Paris le soir même pour Auxerre, et j'arrive le samedi matin. À cette époque, le public se promenait à l'arquebuse le dimanche. Sur les 4 heures, étant en grand uniforme, je partis pour me faire voir comme si je n'avais pas quitté Auxerre. Le lundi, je fus chez mon avoué qui me dit « « Votre affaire est suspendue, comme bien d'autres. Mais il faut que je parte. Je n'ai que 6 jours pour me rendre à Paris. » »« Eh bien, elle restera en suspens. » Je partis pour prendre mon poste. J'arrivai chez mon frère. Je fus le lendemain chez mon général. « Vous voilà, mon brave. Voilà votre brevet. Vous avez droit au logement avec votre domestique et vos chevaux. Vous irez trouver le maire de l'arrondissement de votre frère pour être près des Tuileries. Il faut vous monter. Il vous faut au moins 2 chevaux. » Et puis vous avez droit, comme faisant partie du bataillon sacré, à 300 francs. Vous irez les toucher, place Vendôme, 3. Tous les jours, vous viendrez prendre mes ordres. Et vous passerez aux Tuileries à midi. Je pris congé de mon général. Je me rendis faubourg Saint-Honoré et présentai mon brevet au maire, qui dit après l'avoir lu « Vous êtes le frère du logeur du marché d'Arguesso ?»« Oui, monsieur. Vous êtes vague-maître du grand quartier général. Je voudrais avoir l'état des ayants droit dans chaque grade. » Et du nombre de rations par grade. Je vous remettrai cela, j'en prendrai note. Vous me rendrez service, crainte d'abus. Vous l'aurez sous 3 jours. Depuis quand êtes-vous à Paris? Depuis 10 jours, je suis à mon compte. Je ne pouvais me présenter sans ordre pour avoir mon logement. Eh bien, vous y avez droit depuis votre arrivée à Paris. Tout le bataillon sacré est logé chez le bourgeois. Je vais vous donner un billet de logement daté de votre arrivée à Paris pour vous faire coucher 1/3, en sus de votre paye. Et pour votre logement, 6 francs par jour. Je partis avec la main pleine de pièces de 100 sous chez mon frère, où j'avais mon logement et mon domestique. Le lendemain, je vais place Vendôme, 3, chercher mes 300 francs de gratification du bataillon sacré. Arrivé près du capitaine, qui commandait la 3e compagnie d'officiers, car les simples officiers n'étaient que soldats, il fallait être officier supérieur pour être capitaine d'une compagnie de 100 officiers. Je viens, capitaine, réclamer les 300 francs qui me sont dus. Comment vous nommez-vous ? Coignet. Il regarde sur sa feuille et trouve mon nom. Je n'ai plus d'argent. Il fallait vous trouver avec les autres. Mais vous avez mon argent. Je vous dis que la paye est terminée. Ça suffit, capitaine, je vais voir cela. C'était un vieil émigré qui s'était présenté à l'empereur pour reprendre du service et qui avait été mis en activité. Je rencontre au général Bertrand du désappointement que j'avais eu. Ce n'est pas possible, ce vieux chevalier ne veut pas vous payer. Du tout, mon général. Eh bien, je vais vous donner un petit poulet pour lui. Je reviens avec la lettre. Capitaine, il ne faut pas de broche pour faire cuire ce poulet, il est tout plumé. Son aide de camp, debout près de lui, il lit le petit billet, et se retournant de mon côté. « Pourquoi avoir été aux Tuileries? Ce n'est pas votre place. »« Pardonnez, capitaine, je suis vague-maître général et fourrier du palais. C'est moi qui suis chargé du logement de l'armée. Je vous promets de vous loger de la même manière que vous m'avez reçu. Mais 300 francs, s'il vous plaît. » Je fus payé de suite et portai cet argent à mon frère. Je fus chercher mes coupons pour toucher mes rations de fourrage chez le fournisseur, qui me les remboursa. J'avais droit à 3 rations par jour. Cela ajouté à mon mois de 300 francs, je me vis en peu de temps 800 francs. Alors il fallut se monter, et je me mis à la recherche pour trouver des chevaux. J'en trouvai 2 près du carrousel. Chez un royaliste qui s'était sauvé, je les achetai 2 700 francs. Ils étaient très beaux. Mon frère me prêta 2 500 francs. Je me rendis ensuite chez le notaire de mon frère. Il me fit un contrat par lequel je reconnaissais devoir à mon frère la somme de 2 500 francs, et pendant qu'on rédigeait l'acte, je fis mon testament que je disposais entre les mains du notaire. Mon frère, qui me gronda en voyant la grosse du contrat, « Eh bien, lui dis-je, si je meurs dans cette campagne, tu trouveras mon testament chez ton notaire. » Je m'occupais de trouver un bon domestique et de faire harnacher mes 2 chevaux. Tout cela terminé, j'allais chez mon général lui faire visite à cheval, domestique derrière, comme un commandant de place faisant sa ronde. J'entrai à l'hôtel du comte Montyon. « Mon général, me voilà monté. »« Déjà, dit-il, c'est affaire à vous. »« Et 2 beaux chevaux. » »« Mon cheval de bataille me coûte 1 800 francs, et mon cheval de domestique 900 francs. »« Vous êtes mieux monté que moi, je suis content, mon brave. » « Vous pouvez entrer en campagne. Sont-ils payés ? C'est mon frère qui m'a prêté. » Souvent le bon général venait me prendre chez mon frère pour m'emmener à la promenade, à cheval ou en voiture, et m'invitait à dîner en famille. Il se rappelait les bons feux que je lui faisais à la retraite de Moscou. Tous mes préparatifs faits pour entrer en campagne, je m'occupais de régler l'ordre de marche des équipages par rang de grade, pour éviter la confusion dans les marches, ainsi que pour les distributions. Cette précaution me servit, et je fus félicité plus tard. Les préparatifs du champ de mai se faisaient au champ de mars, devant la façade de l'école militaire. L'empereur, en grand costume, entouré de l'état-major, vint y recevoir les députés et les pairs de France. La réception finie, l'empereur descendit de son majestueux amphithéâtre pour en gagner un autre au milieu du champ de mars. Nous eûmes toutes les peines du monde à traverser la foule si serrée qu'il fallut la refouler pour arriver. Et là, tout l'état-major rangé, l'empereur fit un discours. Il se fit apporter les aigles pour les distribuer à l'armée et à la garde nationale. De cette voix de stentor, il leur criait « Jurez de défendre vos aigles. Le jurez-vous » le répétait-il. Mais les serments étaient sans énergie. L'enthousiasme était faible. Ce n'étaient pas les cris d'Austerlitz et de Wagram. L'empereur s'en aperçut. Il est impossible de voir plus de peuple. On ne put faire manœuvrer, à peine put-il passer la revue. Nous fûmes forcés de protéger les cortèges de l'empereur au milieu de ces masses. Le champ de mai eut lieu le 1er juin. De retour de cette grande cérémonie, je fis mes préparatifs de départ pour l'armée. Je quittai Paris le 4 juin pour me rendre à Soissons, et de là à Avesnes, où je devais attendre de nouveaux ordres. L'empereur arriva le 13, et n'y resta que peu de temps. Il fut couché à Laon. Le 14 juin, il ordonna des marches forcées. Le maréchal Ney arriva. L'empereur lui dit devant tout le monde, « Monsieur le maréchal, votre protégé Bourmont a passé à l'ennemi avec ses officiers. » Le prince de la Moscova en fut ému. Il lui donna le commandement d'un corps d'armée de 40 000 hommes pour se porter contre les Anglais. « Vous pouvez pousser les Anglais sur Bruxelles, » lui dit-il. Lorsque nous fûmes entrés dans ce pays, ferme-t-il de la Belgique, au milieu de seigles très hauts, les colonnes avaient de la peine à se frayer des routes. Les premiers rangs ne pouvaient avancer. quand on les avait foulés aux pieds, ce n'était que paille où la cavalerie se perdait. Ce fut un de nos malheurs. Pour mettre le pied dans la plaine de Fleurus, l'empereur se porta en avant, suivant la grande route avec son état-major et un escadron de grenadiers à cheval. Il s'entretenait avec un aide de camp. Il regarde à sa gauche, prend sa petite lorgnette et regarde avec attention, sur une hauteur à pic, très loin de la route, dans une plaine immense. Il aperçoit de la cavalerie pied à terre et dit « Ce n'est pas de ma cavalerie, il faut s'en assurer. Faites venir un officier de mon escorte et qu'il parte reconnaître cette troupe. » On me fait signe d'approcher près de l'empereur. « C'est toi, oui, sire. Va au galop reconnaître la troupe sur cette montagne. Tu vois cela d'ici ?»« Oui, sire. Ne te fais pas pincer. » Je pars au galop. Arrivé au pied de cette montagne rapide, je m'aperçus que trois officiers montaient à cheval, et je crus voir des lances, mais je n'étais pas sûr. Je continuai de monter doucement, et je vis que leurs soldats faisaient le tour de la montagne pour me couper ma retraite. À moitié de la montagne, je vois mes trois gaillards qui descendaient en faisant le tire-bouchon. Ils se croisaient et ne pouvaient descendre qu'à petits pas. Moi, je m'arrête tout court. Je vois des ennemis. Alors, très poli, je les salue et redescends. Ils descendirent tous trois. Je n'en étais pas en peine, mais c'étaient les autres qui faisaient la route pour me couper. Je regardais à ma gauche, et rien ne parut. Arrivé au bas de la montagne, ces messieurs descendaient toujours. Une fois dans cette plaine, je me tourne de leur côté et leur fais un grand salut en voyant mon chemin libre. Je disais à mon beau cheval de bataille « Doucement, Coco !» C'était le nom de ce bel animal. J'avais de l'avance lorsque l'un d'eux se chargea de me poursuivre. Les deux autres attendirent. Il gagnait du terrain et ça l'encourageait. Lorsque je le vis à moitié chemin de la montagne et de l'état-major de l'empereur, qui regardait mes mouvements et me voyant serré de près, envoya deux grenadiers à cheval à mon secours, je flattai mon cheval pour qu'il ne s'emportât pas. Je regarde en arrière et je vois que j'ai le temps nécessaire pour faire mon à gauche et fondre sur lui à mon tour. Il me crie « Je te tiens !» et moi aussi je te tiens. Appuyant à gauche, je fonds sur lui. Me voyant faire ce brusque demi-tour, il fléchit. Mais il n'était plus temps. Le vin était versé, il fallait le boire. Il n'était pas encore sur son retrait au galop que j'étais à son côté, lui enfonçant un coup de pointe. Il tomba raide mort, la tête en bas. Lâchant mon sabre pendu au poignet, je saisis son cheval et m'en revins, fier près de l'empereur. « Eh bien, grognard, je te croyais pris. Qui t'a montré à faire un pareil tour ? C'est un de vos gendarmes d'élite à la campagne de Russie. » Tu t'y es bien pris, tu es bien monté. L'as-tu vu cet officier? Il m'a paru blond, c'est toujours un lâche. Il devait engager le combat et s'est laissé tuer comme un enfant. Un coup de sabre comme cela n'a pas de mérite. Tu grognes, je crois. Oui, sire, j'aurais dû prendre le cheval par la bride et vous la ramener. Il fit un petit sourire et le cheval arriva. C'est tel régiment anglais. Tout le monde flattait mon cheval, et un officier me pria de le lui céder. « Donnez 15 napoléons à mon domestique, 20 francs au grenadier, et prenez-le. » L'empereur dit au grand maréchal, « Mettez le vieux grognard en note. Après la campagne, je verrai. » C'était, je crois, le 14 de l'autre côté de Guilly, que nous rencontrâmes une forte avant-garde prussienne. Les cuirassiers traversèrent cette ville d'un tel galop que les fers des chevaux volaient par-dessus les maisons. L'empereur les regardait passer pour sortir. Ça montait raide, et l'on ne peut se figurer la rapidité de cette cavalerie pour franchir la montagne. La ville était pavée. Nos intrépides cuirassiers arrivèrent sur les Prussiens et les sabrèrent sans faire de prisonniers. Ils furent renversés sur leur première ligne avec une perte considérable. La campagne était commencée. Nos troupes bivouaquèrent à l'entrée de la plaine de Charleroi, que l'on nomme Fleurus. L'ennemi ne pouvait pas nous voir et ne croyait pas à une armée réunie. Notre empereur ne les croyait pas réunis non plus, et le 15, en la nuit, il était de sa personne à la tête de son armée. Le matin, il envoya sur tous les points reconnaître la position de l'ennemi dans toutes les directions. Il ne restait près de lui que le grand maréchal, le comte Montyon et moi. Il se porta près d'un village à gauche de la plaine, au pied d'un moulin à vent, et les armées prussiennes se trouvaient en grande partie sur sa droite, mais masquées par des enclos, des massifs de bois et des fermes. « Leur position est à couvert, on ne peut les voir, » dirent tous les officiers qui arrivèrent. On donna l'ordre d'attaquer sur toute la ligne. L'empereur monta dans le moulin avant, et là, par un trou, il voyait tous les mouvements. Le grand maréchal lui dit, « Voilà le corps du général Gérard qui passe. Faites monter Gérard. » Il arrive près de l'empereur. Gérard, lui dit-il, votre Bourmon, dont vous me répondiez, est passé à l'ennemi. » Et lui montrant par le trou du moulin un clocher à droite, « Il faut te porter sur ce clocher et pousser les Prussiens à outrance. Je te ferai soutenir. Grouchy à mes ordres. » Tous les officiers de l'état-major partaient et ne revenaient pas. Alors l'empereur me fit partir près du général Gérard. « Dirige-toi sur le clocher, va trouver Gérard. Tu attendras ses ordres pour revenir. » Je partis au galop. Ce n'était pas une petite mission, il fallait faire des détours. Ce n'était que des enclos. Je ne savais quel chemin prendre. Enfin, je trouve cet intrépide général, qui était aux prises, couvert de boue. Je l'abordai. « L'empereur m'envoie près de vous, mon général. » « Allez dire à l'empereur que s'il m'envoie du renfort, les Prussiens seront enfoncés. Dites-lui que j'ai perdu la moitié de mes soldats, mais que si je suis soutenu, la victoire est assurée. » Ce n'était pas une bataille, c'était une boucherie. La charge battait de tous côtés. Ce n'était qu'un cri « En avant !» Je rendis compte à l'empereur. Après m'avoir entendu, « Ah, dit-il, si j'avais 4 lieutenants comme Gérard, les Prussiens seraient perdus. » J'étais de retour de beaucoup avant ceux que l'empereur avait envoyés avant moi. Il y en eut le soir, après la bataille gagnée, 6 qui ne parurent pas. L'empereur se frottait les mains après mon récit. Il me fit dépeindre tous les endroits par où j'avais passé. Ce n'est que vergers, gros arbres et fermes. C'est cela, me dit-il. On croyait que c'était des bois. Non, sire, c'est des chemins couverts. Toutes nos colonnes avançaient. La victoire était décidée. L'empereur nous dit, à cheval, au galop, voilà mes colonnes qui montent le mamelon. Nous voilà partis. Au travers de la plaine se trouve un fossé de 3 à 4 pas de large. Le cheval de l'empereur fit un petit temps d'arrêt. Mon cheval franchit et je me trouvai devant sa majesté, emporté par sa rapidité. Je craignais d'être grondé de ma témérité, mais pas du tout. Arrivé sur le mamelon, l'empereur me regardait et me dit « Si ton cheval était entier, je le prendrais. » Il venait encore des boulets au pied du mamelon, mais nos colonnes renversèrent les Prussiens dans les fonds sur la droite. Cela dura jusqu'à la nuit. La victoire fut complète. L'empereur se retira fort tard du champ de bataille et revint au village près du moulin à vent. Là, il fit partir des officiers sur tous les points. 2 officiers partirent porter ordre au maréchal Grouchy de poursuivre les Prussiens à outrance et de ne pas leur donner le temps de se rallier. C'est le comte Montyon qui dictait ses dépêches par ordre du major général et les officiers de service partaient de suite. Nous étions cette nuit-là tous de service. Personne ne prit de repos. Ces dépêches parties, on envoya 2 officiers près du maréchal Ney, et toute cette nuit ne fut qu'un mouvement. J'eus le bonheur de passer la nuit tranquille, quoiqu'il manquât 6 officiers qu'on disait passer à l'ennemi. Le lendemain, 17 juin 1815, à 3 heures du matin, les ordres furent expédiés pour se porter en avant. À 7 heures, nos colonnes étaient arrivées. Nous n'avions que les Anglais devant nous à 7 heures. L'empereur envoya un officier du génie afin de reconnaître leur position sur les hauteurs de la Belle Alliance et pour voir s'ils n'étaient pas fortifiés. De retour, il dit n'avoir rien vu. Le maréchal Ney arriva et fut tensé de n'avoir pas poursuivi les Anglais, car il ne se trouvait aux 4 bras que les 100 culottes. « Partez, monsieur le maréchal, vous emparez des hauteurs. Ils sont adossés près du bois. Lorsque j'aurai des nouvelles de Grouchy, je vous donnerai l'ordre d'attaquer. » Le maréchal partit. Et l'empereur se porta sur une hauteur près d'un château sur le bord de la route. De là, il découvrait son aile gauche au point le plus fort de l'armée anglaise. Il attendait des nouvelles de Grouchy, mais toujours en vain, et se minait. Enfin, il fut trouvé près d'un château par un officier qui dit à l'empereur « Nous perdons un temps bien précieux. Je n'ai point vu de Prussiens sur ma route. Ils ne se battent pas. » L'empereur fut soucieux après cette nouvelle. Je fus appelé. Et j'eus l'ordre d'aller un peu à droite de la route de Bruxelles pour m'assurer de l'aile gauche des Anglais qui était appuyée au bois. Je fus obligé, en descendant, de côtoyer la route à cause d'un ravin large et profond que je ne pouvais franchir et d'un mamelon où l'artillerie de la garde était en batterie. Il faut dire que nous avions été inondés de pluie et que les terres étaient détrempées. Notre artillerie ne pouvait manœuvrer. Je passai près d'eux et lorsque je fus en face de cet immense ravin, je vis des colonnes d'infanterie réunies en masse serrées dans sa partie basse. Je le dépassai. J'appuyai un peu à droite et arrivai près d'une baraque isolée à peu de distance de la route. Je m'arrête pour regarder sur ma droite. Je voyais de grands seigles et leurs pièces en batterie. Mais personne ne bougeait. Je fis un peu le fanfaron. Je m'approchai de ces grands seigles et vis une masse de cavalerie derrière. J'en avais assez vu. Il paraît qu'il ne leur convenait pas de me voir approcher d'eux. Ils me saluèrent de 3 coups de canon. Je m'en reviens rendre compte à l'empereur que sur la droite, leur cavalerie était cachée derrière les seigles, leur infanterie masquée par le ravin, qu'une batterie m'avait salué. L'empereur donna l'ordre de l'attaque sur toute la ligne, et le maréchal Ney fit des prodiges de courage et de bravoure. Cet intrépide maréchal avait devant lui une position formidable. Il ne pouvait la franchir. À chaque instant, il envoyait près de l'empereur pour avoir du renfort et en finir, disait-il. Enfin, le soir, il reçut de la cavalerie qui mit les Anglais en déroute, mais sans succès prononcé. Encore un effort, ils étaient renversés dans la forêt. Notre centre faisait des progrès. On avait passé la baraque malgré la mitraille qui tombait dans les rangs. Nous ne connaissions pas les malheurs qui nous attendaient.